Le point 4, élaborer un plan pluriannuel de création de postes et un programme de résorption de la précarité. Depuis 2008, aucun poste n'a été créé à l'université, à l'exception de quelques emplois de biatos, hein, d'après les informations que nous avons obtenues, et ceci obtenu à la force du poignet, hein, pour les emplois de biatos. Cela signifie que les postes ouverts au concours depuis 5 ans correspondent seulement à des départs à la retraite. Or, la courbe démographique entraîne une raréfaction des départs à la retraite, dont je rappelle la butée a été fixée aux alentours de 2013, comme l'avait signalé en son temps Philippe Seguin. Je dis ça parce que j'aimais bien Philippe Seguin. Voilà, bon. Quand il a critiqué la RGPP, vous vous souvenez, hein, c'était... Bon, il, hein, on s'en souvient, oui. Bon. Bien. Donc, on dira, il n'y a quasiment plus de départs à la retraite ces dernières années. Un malheur n'arrivant jamais seul, la réforme des retraites a cruellement accentué le déficit d'emplois pérennes. Les professeurs, étant entrés tardivement dans la carrière, je rappelle, tout le monde le sait, que c'est aux alentours de 38 ans pour l'université, ne partent pas avant 68, voire, je pense, un jour ou l'autre 70, hein, à l'allure où nous allons, et évidemment bloquent leur poste. Nous attendons leur poste. Alors, ils partent pour bénéficier d'une pension incluant une surcote. Toute la chaîne de l'emploi est gelée. Des milliers de jeunes docteurs restent sur le carreau. Faute de poste, les maîtres de conférences ne peuvent pas muter, parce qu'on réserve les postes, les rares postes, au recrutement. Ne peuvent pas accéder au rang de professeur, parce que les professeurs ne partent pas, et parce qu'il n'y a pas de poste. Idem pour la promotion et le renouvellement des biatos. Nous sommes entrés dans une ère glaciaire. La situation est analogue des organismes de recherche. Depuis 2009, donc je donne des chiffres qui ont été communiqués par Jacques Fosset, qui est membre du bureau national du SNCS. On dénombre 950 emplois en moins au CNRS, 800 en moins à l'INSERM, 60 à l'INRIA, 200 à l'IRD. C'est un article récent sur le budget 2012 de la recherche au CNRS. En contrepartie de la disparition des emplois pérennes, évidemment, on assiste à une explosion de la précarité dans l'enseignement supérieur et la recherche. On dénombre, par exemple, 20% de titulaires pour 80% de précaires dans l'UFR d'art plastique de l'Université Paris 1. Je le sais, c'est le mien. Vous vous rendez compte ? Bien. Certes, les situations sont différentes selon les disciplines. Je pense que, par exemple, Céline pourrait nous parler de l'UFR de droit. C'est, à mon avis, très différent d'un UFR d'art plastique, hein, en matière de précarité, je veux dire. Enfin, je dis ça comme ça. Hein. Bien. Néanmoins, le recours aux vacataires chargés de pallier l'absence d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs n'a cessé de s'accroître. Et je rendrai ici un hommage particulier aux chargés de cours qui font tourner l'université française depuis des années. Trentenaires, docteurs pour la plupart, sous-payés deux fois l'an, avec l'obligation d'être pourvus d'un emploi principal depuis les années 80 pour éviter que l'État ne paye les charges sociales. Tel est le sort peu enviable réservé à nos jeunes intellectuels en France. La plus basse partie de l'homme serait-elle donc aujourd'hui la tête ?